une fois un tout petit bourreau, pas plus grand que trois noix et pas beaucoup plus gros. Des hautes et basses œuvres étaient exécuteurs, et pour les basses œuvres étaient à la hauteur. N'avait jamais de trêve et jamais de repos, car en place de grève, il faisait son boulot. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal sentimental, bourreau. Aïe aïe aïe aïe aïe. Un soir de sa fenêtre, la femme du fossoyeur et là l'homme de tête, et lui ouvrit son cœur. Depuis longtemps sevré de transports amoureux, à vous de me livrer au bourreau vigoureux. Je vous lance une corde du haut de mon balcon, grimpez-y, c'est énorme. Allons, exécution. Pourtant couper tes têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça sale mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal sentimental, bourreau. Aïe aïe aïe aïe aïe. À partager sa couche, la belle l'invita, en quelques coups de hache, il la lui débita. L'époux au bruit du bris survint un peu inquiet, il partagea le mari pour garder sa moitié. Comme la dame inquiète suggérait, taillons-nous, il lui coupa la tête et se trancha le cou. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça sale mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal sentimental, bourreau. Aïe aïe aïe aïe aïe. Envoi. Prince, prenez grand soin de la douce Isabeau, qu'elle n'ait-on que besoin d'un petit bout robot.